quatre profs qui posent une question à laquelle personne répond. Toi tu sais, mais tu n'es rien, t'es trop tranquille dans ton coin. Quand tu me donnes la solution, cette fille aux yeux clairs qui te regarde, peut-être que tu lui parles.